Bonjour et bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Aujourd'hui dans Freaks et Merveilles, je reçois une orfèvre de la voix. Son corps est son outil pour nous convoquer de chevaleresques épopées ou de douces et terribles mélopées. Et elle pratique un art que dans nos communautés on dédaigne trop souvent comme bourgeois ou élitiste. Mais pour elle, lui, c'est bien plus que cela. Cet art, c'est le chant lyrique. Et cette personne, c'est Castra. Bonjour Castra. Bonjour Croc. Comment ça va? Ça va super. Je suis extrêmement heureux d'être là. Eh ben oui, je vois que tu as un pull de saison. Tout à fait. Ça y est. C'est la saison des gros pulls. Des gros pulls avec des rennes dans la forêt. Exactement, parfait pour les transmasques. Ah oui, des habits bien larges, c'est tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on aime. Super, eh bien, tu viens pour nous parler chant lyrique. Tout à fait. Alors, mais le chant lyrique, personnellement, je connais ça de très très très loin, mais toi, tu pratiques ça depuis ton adolescence. Tout à fait. D'abord en chorale, mais après en chant individuel, et tu as fait même des études de chant lyrique, etc. Alors, oui. Qu'est-ce que tu dirais que ça a de particulier, le chant lyrique, par rapport à d'autres formes de chant? Ce que ça a de particulier, je dirais en vrai, de manière tout à fait concrète, c'est la technique vocale est juste différente. Et je dirais aussi l'héritage que ça a. Après ça, il y a encore des apparats modernes et des œuvres modernes qui sont chantées avec la technique lyrique. Mais c'est vrai que, juste de manière très concrète, c'est une technique complètement différente que d'autres techniques de chant, quoi. D'accord. Donc toi, tu ne saurais pas vraiment chanter du Maria Carey. Tu ne saurais pas nous chanter All I Want for Christmas is You, par exemple. Malheureusement pas. Je n'ai pas du tout cette technique-là. J'aime beaucoup le chant pop, j'en chante un petit peu, mais Maria Carey, je ne peux pas rivaliser. Alors, ouais. Justement, le chant lyrique, c'est fort associé à une certaine élite. Hein, ça souvent à l'opéra, à des endroits très huppés où il faut venir en costard et en belle robe, et etc. Et où, en plus, les tickets coûtent extrêmement cher, et donc où ce n'est pas vraiment accessible à tout le monde. Est-ce que ça représente vraiment ce que c'est pour toi le chant lyrique aujourd'hui, comme il se pratique en Belgique? Alors, ça, un peu oui et non, dans le sens où il y a beaucoup de personnes de la musique classique qui vous diront « Mais non, l'opéra, c'était un truc pour le peuple, c'était le peuple qui réclamait l'opéra, c'est super accessible et tout machin. » Et en fait, c'est vrai qu'à la base, l'opéra, c'était aussi une musique qui était pour le peuple, et qui, en soi, même aujourd'hui, les tickets coûtent pas si cher par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Ça coûte beaucoup moins cher que les concerts de musique pop, en fait, où on peut payer des 30, 40, 150 euros pour voir des grandes stars. Parfois, à l'opéra, ça peut être assez accessible, en fait, au niveau budgétaire pour les étudiants. Après ça dépend aussi des places. Si tu veux une place au premier balcon et tout machin, ça va te coûter super cher et tout. Mais il y a pas mal d'opéras qui sont en fait finalement assez accessibles en termes de budget. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le fait que l'opéra est super accessible et super populaire et tout, c'est au niveau des barrières sociales en fait. C'est vrai que c'est dans nos esprits, c'est vraiment associé à une élite intellectuelle où il faut s'y connaître pour aller à l'opéra, où je vais avoir l'air ridicule parce que j'ai pas les codes. Et en fait, c'est pas quelque chose auquel on pense quand on n'est pas dans le milieu de la musique, à aller à un opéra juste pour le plaisir, quoi. On a l'impression que c'est quelque chose d'hyper inaccessible pour nous, alors qu'en soi, c'est assez accessible, enfin, dans le sens où tout le monde peut aller à l'opéra, il n'y a pas de prérequis nécessaires, on n'est pas tout à fait obligé d'être super bien habillé, de dépenser des millions et des millions pour aller à l'opéra. en fait, c'est accessible, mais les barrières sont vraiment sociétales, et je pense que le monde de la musique participe aussi fort à ça, dans le sens où il aime bien un peu garder ce truc de c'est les élites sociales, on parle de musique classique, on parle de grands chanteurs, on parle de grands compositeurs, et on aime bien étaler le fait qu'on s'y connaît en musique classique et tout. Et on aime bien aller là-bas avec des habits chics, etc., pour, pour un peu... Après ça, c'est chouette aussi d'y aller. C'est un peu un événement, donc je comprends que les gens y aillent bien habillés et tout. Ça fait aussi partie... Oui, puis on peut le prendre comme une espèce de performance de... C'est on ça. Va jouer à être des dandys le temps d'un soir, quoi. Exactement, on va à l'opéra. Et du coup, ça peut aussi être un blocage dans le sens où on a l'impression que c'est ça, mais en fait, on peut très bien aussi y aller en jogging et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de dress code pour entrer à l'opéra. Il y a certains opéras, je pense à l'opéra de Venise, il me semble, où il y a genre les premières, tu es obligé d'être en tenue de ville et tout pour y aller et tout. Mais en règle générale, ce n'est pas le cas, quoi. Donc en fait, c'est assez accessible, mais je pense que la classe sociale qui va à l'opéra participe aussi au fait que ça reste un milieu élitiste dans le sens où elle se ferme un peu aussi à ça et à des nouvelles personnes qui pourraient avoir envie d'essayer l'opéra mais en fait qui se sentent bloquées par rapport au fait que pour les personnes qui sont dans la salle de l'opéra, c'est indispensable d'avoir les codes, de savoir quand est-ce qu'il faut applaudir, etc. Oui, parce que moi, je suis allé quelques fois à l'opéra il y a très longtemps et je me suis fait regarder une ou deux fois mal parce que je riais. Oui. Mais parce que c'était très drôle ce qui se passait. Mais c'est terrible. C'était un opéra de Mozart, je crois que c'était le truc avec un jardinier, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et genre, il faisait des blagues, genre, il lui abattait le chapeau sur la tête et puis l'autre savait plus où il était allé et du coup il se cognait. Enfin, je veux dire, c'est des blagues, on rigole. C'est trop drôle. Il y a quelqu'un qui genre, s'est retourné depuis la corbeille d'à côté et m'a foudroyé du regard, genre oh, taisez-vous. Mais c'est vraiment ça. Et je pense que le public qui va à l'opéra participe au fait que du coup, ça reste quelque chose d'élitiste, alors que pas du tout. Et justement, il y a plein de trucs drôles qui se passent. Si tu as envie d'applaudir, c'est que tu es enthousiaste, donc tu applaudis. Si tu as envie de rire, tu rigoles. Et c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, de la musique baroque, etc., le public était dans la fosse, il rigolait, il demandait aux chanteurs de changer de titre parce que ça ne leur plaisait pas. Ah ouais, carrément. C'était interactif comme ça. Ça devait être très chiant pour les chanteurs. C'était plus sport, quoi. Mais le public participe aussi à ça. Et du coup, le voir... Cette espèce de snobisme des personnes qui vont à l'opéra, je pense que ça peut aussi bloquer parce que tu es en mode bon, bah très bien, bah, je vais être bloquée sur un siège et je ne peux pas pouvoir réagir et juste profiter du moment comme il se doit parce que j'ai peur que je sois jugée par l'élite sociale qui m'entoure, quoi. Mais. Mais donc, alors on reviendra plus tard sur le côté. Où est le queer là-dedans, qui est quand même ce qui nous intéresse dans ce podcast. Mais avant ça, qu'est-ce qui toi, jeune personne de 20 ans, si j'ai tout bien à suivi, fait. Voilà, jeune personne queer de 20 ans, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le chant lyrique si jeune? Alors, c'était un peu un hasard, j'avoue. En fait, mon papa, qui est musicien, pas en musique classique, mais musicien en musique pop, il m'a inscrit un jour à des auditions et ces auditions c'était pour entrer dans les chœurs d'enfants de l'opéra de la Monnaie et il avait entendu ça par des amis ou je sais pas quoi, des enfants d'amis qui avaient participé à ça et donc il avait envie de m'y inscrire parce que je chante depuis toujours en fait, voilà, et du coup j'ai passé cette audition, j'avais 12 ans et 2 mois après, alors que j'y connaissais rien à l'opéra, je me suis retrouvée dans ces chœurs. Voilà, j'étais un peu perdue. Et du coup, c'est un chœur assez réputé, vraiment un très très très bon chœur d'enfants et de jeunes. Et donc vous chantiez toutes les voix de fond qu'on entend, qui font des « ouh » et des « ah » pour accompagner, c'était ça la mission? En fait, il y a tout un répertoire qui est propre au chœur d'enfants, donc on faisait beaucoup beaucoup de concerts. Ah oui, donc vous accompagniez pas les productions adultes, vous aviez votre propre vie ou... On a notre propre vie et quand il y a besoin d'enfants sur la scène de l'opéra, c'est nous. D'accord. Mais il n'y a pas toujours besoin d'enfants. C'est plutôt, parfois, il y a des petits chœurs par-ci, par-là, ou parfois, ils ont besoin de personnes qui font des figurants enfants. Et du coup, avec parfois des parties chantées et tout, mais ce n'est pas le cas systématiquement dans tous les opéras. Il n'y a pas des parties pour chœurs d'enfants. Et parfois, il n'y a pas besoin de tous les chœurs d'enfants. On peut aussi, il y avait parfois des petits groupes de 15, tu vois, qui allaient à l'opéra. On avait plutôt un répertoire qui était propre à nous. On a fait beaucoup de répertoires différents avec toute la chorale qui était là. Et moi, j'ai eu la chance de quand même participer à pas mal des opéras de la Monnaie. Je pense que si je compte bien, il y en a 8 en tout, en 6 ans auxquels j'ai participé. Donc ça, en comptant la période du Covid aussi, parce que... Voilà. Et du coup, c'est aussi, enfin, c'est une expérience de ouf d'être là. Moi, à 12 ans, je me suis retrouvée sur ma première production d'opéra, qui était du coup Cavalleria Rusticana et Pagliacci. C'est un truc, deux opéras qui sont toujours joués ensemble. D'accord. Et on écoutera un extrait d'ailleurs. Tu nous as amené un extrait dans tes valises. De Cavalleria Rusticana. Et du coup, je me suis retrouvée dans cet opéra à 12 ans, entourée des chœurs d'adultes, du coup, qui sont un chœur très, très, très, très bon de Belgique, et de l'orchestre de la Monnaie sur scène, à devoir tenir un cierge entouré d'une basse et une soprano professionnelle qui chantaient autour de moi. Et du coup, c'est là que la magie a commencé à opérer. Et c'est aussi un environnement dans lequel je me sentais très, très bien. Cet environnement de chorale, j'avais vraiment des amis très très chers là-bas, et le fait de participer à toutes ces productions d'opéra aussi, ça rapproche très très fort. J'imagine que tu sais ça aussi, quand tu fais des spectacles avec des gens, ça rapproche de toute manière. Et du coup, là, j'ai passé 6 ans de ma vie en parallèle de mes études à faire ça, et donc c'est quand même des expériences poignantes, quoi. Ouais. Et du coup, là, toi, dans l'idéal, tu voudrais devenir chanteuse lyrique professionnelle. Tout à fait. En fait, c'est genre en tant qu'enfant, j'ai senti que c'était là qui était ma place. Et moi, les moments où je suis le plus heureux, c'est sur scène. C'est à savoir. Et du coup, en étant là et en ayant pris le temps de m'habituer aux concerts, aux opéras, refaire plusieurs fois les mêmes représentations, ça laisse aussi le temps d'intégrer les sensations que ça nous fait, et de se dire, en fait, c'est là que j'ai envie d'être toute ma vie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé mes études de chant à Namur. Ce fut un parcours un petit peu cabossé. Ah bon? Un petit peu cabossé parce que j'ai eu des problèmes de cordes vocales qui sont maintenant guéris, donc tout va bien. Okay. Mais ça a été très dur parce qu'en fait, maintenant, c'est ancré dans le monde professionnel, c'est ancré dans les têtes de tout le monde que j'ai eu un problème de corde vocale. Ah, oui. Et que du coup, je ne suis pas quelqu'un sur lequel on peut faire, enfin, une voix sur laquelle on peut compter. Ah, waouh, c'est un si petit milieu que ça que du coup. Ouais. Ouais. Et du coup, ça m'a fait un peu cette réputation-là que ça n'irait jamais. Et en fait, ce problème vocal m'a donné un souffle sur la voix qui est en fait un manque de technique. Mais en fait, ils sont partis du principe que c'était à cause de mon problème médical que j'avais un souffle et que du coup, c'était complètement irréparable et que du coup, je n'aurais jamais de carrière et que je ne ferais jamais d'audition. Et en fait, c'est juste un problème technique qui fait que j'ai un souffle sur la voix, mais ça s'apprend aussi. C'est toute une technique, la chanson, la musique classique, enfin le chant lyrique. Et du coup, c'est tout à fait corrigeable. Mais dans la tête des personnes qui avaient mon destin entre leurs mains à ce moment-là, c'était quelque chose de complètement impossible. Et du coup, il fallait mettre fin à mes études pour me protéger un peu. Je pense que c'était vraiment dans une optique bienveillante, entre guillemets, même si bon, on a eu plein de, oui, après, de différents, même, etc. Ouais. Et il y a plein de trucs qui n'étaient pas OK. Du coup, c'est pour ça que là, en juin passé, je n'ai pas passé mon examen. Enfin, on ne m'a pas laissé passer mon examen, en fait. J'étais censée chanter 4 chants pour pouvoir passer mon année. Et on m'a laissé chanter que 3 chants, donc je n'ai pas pu avoir tous mes points. Et on m'a fortement conseillé de quitter le conservatoire. Voilà. Oh, wow, et du coup, voilà où j'en suis un peu aujourd'hui. C'est pour ça que je parle du drag aussi comme une réparation. C'est le fait de réapprivoiser la scène de manière douce et sans avoir ces attentes-là. J'ai une nouvelle prof qui m'aide beaucoup sur le souffle, justement, et qui est beaucoup moins culpabilisatrice par rapport à ça. Et du coup, ça m'aide beaucoup, quoi. Et donc, je suis dans ce processus-là de réparation de tout ça, reprendre un peu de manière douce et me réapproprier cette ère-là que j'ai cru perdre en fait pendant l'année passée. Ouais. Ben oui, mais on a déjà eu Marie Dara sur l'émission qui parlait de l'expérience qu'elle avait eue en conservatoire, là en théâtre, mais aussi c'était très compliqué. Bon, elle, c'est parce qu'elle venait d'un milieu populaire avec d'autres référents, etc. Et que du coup, il y avait une espèce de gap culturel très, très violent qu'on lui mettait dans la figure, quoi. Mais c'est vrai que oui, ces professeurs de conservatoire ont un pouvoir et je ne sais pas si ces gens s'en rendent toujours compte, mais bref. On n'est pas là pour parler des leux, mais on est là pour parler de toi. Tout à fait. Et du coup, à quoi ça ressemble le quotidien? Est-ce que tu te dis que tu dois chanter tous les jours? Parce que ta voix, du coup, c'est ton outil de travail. Et donc, est-ce que tu te dis que tu dois l'entraîner comme une personne qui, par exemple, fait de la pôle, idéalement fait de la musculation ou, ou des étirements tous les jours. Toi, tu fais du coup de la voix tous les jours ? Alors oui, il y a cette idée-là de vraiment pratiquer la voix, un peu comme un violoniste ou un pianiste qui doit pratiquer des heures et des heures par jour. Par contre, nous, la particularité de la voix, c'est que c'est un instrument vraiment très fragile et pas du tout remplaçable. Mmh. Donc si on a des problèmes de voix qui ne se règlent pas, on a une voix qui ne se règle pas. D'ailleurs, on en parlait en off avant le début du podcast, qu'un refroidissement ou quoi, par les temps qui courent, c'est terrible pour vous, quoi. Ah oui, non, c'est vraiment terrible. Et du coup, il faut faire super attention à son hygiène vocale. Et du coup, c'est pour ça que pour le moment, je suis plutôt dans une optique de rassembler mon temps de travail dans des endroits courts. Et si je sens que ça ne va pas, alors je m'arrête et je recommence plus tard. Mais je suis moins dans une optique de chanter absolument tous les jours pour être sûre de progresser, etc. Idéalement, oui. Mais si je sens que ma voix ne va pas aujourd'hui et que je suis en train de forcer et que je vais me faire mal, alors il n'y a pas de souci. Enfin, je n'ai pas de problème avec le fait de m'arrêter et recommencer plus tard ou recommencer le lendemain pour retrouver les sensations qui sont bonnes et qui sont saines pour ma voix. Donc, idéalement, oui. C'est travailler tous les jours et même en ayant quitté le conservatoire, je reste dans une optique de travailler en autonomie comme je le faisais au conservatoire pour essayer de garder le rythme et garder l'apprentissage. Mais je suis moins stricte avec ça parce que j'ai plus conscience des impacts que la santé vocale a sur la carrière. Quoi. Ouais. Et en même temps, du coup, bien connaître ton outil et bien connaître ta voix, c'est aussi très, très important devenir professionnel et pas aller contre ce qui, en fait, te fait du bien et tout à fait. Qui te permettra d'avancer. Tout à fait. Super. Eh ben, merci pour ça. On va faire une première petite pause musicale. Et donc, tu nous amènes un extrait de Caballera Rusticana. Alors, est-ce que tu peux présenter le morceau ? Parce que c'est toujours... très spécifique les titres des morceaux ou bien voilà. Bah, c'est un intermède symphonique qu'il y a dans cet opéra. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il a lieu, j'avoue, mais c'est tellement magnifique. Et en fait, c'est une pièce qui me rappelle tellement de souvenirs qu'elle est toujours très émotionnelle. Et vous allez voir, c'est une partie, c'est vraiment un bijou de la musique. Oui, parce que donc ça, c'est ta première expérience sur un plateau d'opéra, c'était exactement sur cette œuvre-là. C'était sur cette œuvre-là à 12 ans. Ouais. Et ben, on va écouter ça. Vous êtes sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. Et on se retrouve juste après ça. je m'apprêtais à reprendre la parole et puis tout à coup j'entendais des applaudissements. C'était l'intermezzo sinfonico, enfin un intermezzo sinfonico du Cavaliera Rusticana de Pietro Mascagni, joué par le Berliner Philharmonique. Eh oui. Eh ben merci de nous amener des belles choses comme ça. Et alors oui, c'est un épisode sur le chant lyrique et ça ne chantait pas. Oui, mais en fait, cet intermède est si beau. Et en soi, ça fait partie de l'opéra, donc c'est un moment non chanté de l'opéra, mais il est si magnifique, j'étais obligée de le mettre. Ah bon, et voilà. Puis bon, on se rattrapera en deuxième intermède. Tout tu à nous fait, as amené de, je me suis dit... Du Mozart, mais chanté. On va varier les plaisirs, en fait. Musique voilà. Symphonique, et puis après ça, un petit Cecilia Bartoli... Voilà, sur les noces de Figaro, qui est un peu le Maria Carré de l'opéra, si j'ai bien suivi. Je ne sais pas si c'est vraiment le Maria Carré de l'opéra, mais c'est une musique qui me donne beaucoup de joie. Ah, chouette. Et du coup, voilà. Mais on n'est pas là pour parler d'elle, mais pour parler de toi. Alors... et donc, juste avant la pause, tu nous disais que toi, le fait de tourner vers le cabaret queer et le drag pour exploiter ta voix et pour revenir au chant lyrique, c'était un peu une réparation. Mm-hmm. T'as fait un début très remarqué à Queeriosity il y a quelques semaines. Je m'en remets pas. C'était comment de performer à Queeriosity ? C'était super agréable. C'était vraiment super agréable. J'ai passé un super moment. J'aime beaucoup le mot super. La veuve était super douce. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidée, même avant, même pour tout ce qui va être montage, du texte avec la musique et tout machin. Ah oui, parce que tu avais un peu perdue. Ouais, j'avais aussi un texte projeté, un texte militant. Et du coup, le fait de le... mettre, de le coordonner avec la musique et tout. Enfin, moi, c'est le genre de truc que je sais vraiment pas très bien faire. Et donc, voilà, c'était une première scène vraiment douce. Pour le coup, je pouvais vraiment un peu plus explorer ce dont j'avais envie. J'ai fait ma naissance. Donc ça, c'était aussi super fort comme moment. Et j'ai eu beaucoup d'aide de mes copaines pour la création des costumes aussi. Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose de... C'était vraiment un super challenge pour moi. Enfin, c'est aussi... un peu déroutant comme pratique parce que à l'opéra en soi on a l'habitude d'être très cadré et donc on chante juste et on fait ce qu'on nous demande de faire globalement. oui, tu suis la partition. Exactement, et... ouais. On suit la partition, on suit le metteur en scène qui nous dit quoi faire pour la mise en scène. Et là, l'opéra, page blanche, enfin le drag, page blanche, on choisit un chant, qu'est-ce qu'on va faire, il faut créer la scénographie, ouais. La mise en scène, les costumes, tout, c'est le make-up. Et du coup, ça, c'est vraiment déroutant pour une personne qui a l'habitude d'être vraiment très cadrée, ouais. De partir de rien et de accoucher comme ça d'une performance. Et du coup, ça, c'était très déroutant, surtout que j'avais pas vraiment beaucoup de retours sur la mise en scène aussi. Je me suis dit, bon, on va peut-être faire un peu comme ça et puis un peu comme ça. Et en fait, finalement, c'était hyper... je savais pas du tout ce qui allait se passer. J'étais vraiment dans aucune maîtrise de ce qui allait se passer. Je me disais, bon, bah, YOLO, finalement, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis maintenant, il va se passer le moment qui va se passer. Et il s'est trouvé que c'était un super moment et que ça s'était très, très bien passé. Donc je suis vraiment très, très, très, très heureuse de ça. Il y avait toute ma famille dans la salle. Oh. Il y avait toutes mes copaines chanteuses d'opéra aussi qui étaient là dans un bloc, juste devant moi. Je suis aussi dans un groupe de théâtre queer où ils étaient tous les uns à côté de l'autre comme ça. Et du coup, ça m'a donné beaucoup de joie de voir toutes ces personnes qui étaient venues me voir. Ça m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce qui t'a amené au... Pardon, je me permets de te couper, oui. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu voulais faire du drag et investir le drag par le chant lyrique, qui est quand même pas la porte d'entrée que la plupart des personnes prennent? En fait, c'est ce que je sais faire. Donc, très bonne réponse. Donc, ça me paraissait extrêmement évident. En fait, le fait de chanter aussi, on en parlera avec les queers dans la musique classique aussi. Après, évidemment, on fait déjà un petit teaser. Ah, mais vas-y, hein, si tu veux. Mais en gros, dans la musique classique, c'est pas toujours évident de trouver des rôles qui sont en accord avec déjà notre identité de genre et en plus avec nos valeurs. Globalement, c'est beaucoup de vieilles œuvres avec énormément de résidus. résidu très, très ancré, très, très voyant, de patriarcat, de colonialisme, oui. De tout ça, tout ça. Oui, puis, et, oui ça, même ouais. Dans les histoires, dans les rôles, c'est quand même très genré. Exactement. Très, Après ça, il y a aussi beaucoup de fluidité de genre dans les rôles, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas toi qui choisis, c'est ta voix. En fait, il y a des rôles qui sont très spécifiques à des types de voix. Et du coup, je ne peux pas choisir de jouer un rôle masculin, même si c'est avec une voix de femme, entre guillemets. Oui. Est-ce que tu n'as pas un baryton ou tu n'as pas une voix très, très grave? C'est ça. Coup, tu peux en pas. Gros, il y a quelques rôles travestis à l'opéra. Il y en a même pas mal. Notamment des jeunes garçons qu'on appelle des rôles de femmes en pantalon. Et du coup, c'est des personnes qui vont avoir une mue vocale féminine et qui vont jouer des rôles de petits garçons. Mais en règle générale, c'est des voix de mezzo. Mezzo, c'est un peu... un type de voix médium, si vous voulez. Donc c'est assez aigu, mais c'est pas les sopranos. Et moi, j'ai une voix très très légère de soprano, et en règle générale, les voix de soprano sont des voix qui sont attribuées à des rôles très féminins. Et du coup, bah, je me retrouve pas dans ce genre de rôle. Après, moi j'adore la musique, donc est-ce que je vais réussir à mettre la dysphorie de côté pour interpréter ce genre de rôle, je ne sais pas. Mais donc c'est aussi une porte d'entrée à aller explorer d'autres, sans ces cases très strictes de Cherubino qu'on va écouter tout à l'heure, c'est pour une voix de mezzo. Moi, je l'ai interprété sur la scène de Curiosity parce que j'en avais envie. Et c'est pas mon type de voix, je ne serais jamais engagée pour ça à l'opéra, mais j'avais envie de le faire. Et en soi, je peux le faire aussi, même si ce n'est pas musicalement correct. Et qu'est-ce que tu veux dire par « c'est pas musicalement correct » ? Dans le sens où, théoriquement, ça se fait pas à l'opéra d'engager une soprano pour un rôle de mezzo. Mais pourquoi ? Parce que du coup, t'es plus aigu que ce que la partition c'est prévoit, ça. C'est ça ? D'accord. En gros, ça met pas du tout en valeur, moi, la voix. Ah oui, c'est ça. C'est pas... Oui, d'accord. Tu vas pas dans ton emploi, tu vas pas là où tu vas être la plus forte ou le plus fort. Tu vas dans un endroit où tu dois un peu batailler et maîtriser pour aller chercher des plus graves et tout ça. Tout à fait. Ce qui est pas naturel chez toi. Non, c'est pas une partition qui est naturelle pour moi. Mais du coup, je peux prendre plus de liberté aussi dans le drag. C'était quoi la question de base ? On a complètement dérivé, mais c'est pas grave. La question, c'était du coup, pourquoi avoir choisi de faire du drag ? Mais tu as répondu, hein. Pourquoi avoir choisi de faire du drag et d'y aller par le chant lyrique ? Bah voilà. En fait, c'était plutôt comment apprivoiser le chant lyrique de manière plus sensée, sans avoir des contraintes de genre et sans avoir des contraintes de metteurs en scène qui font des trucs pas ok sur du répertoire qui est pas ok et qui n'est pas mis au goût du jour en fonction de notre conscience actuelle des problématiques en fait que ça apporte. Oui. Et du coup il y a beaucoup d'opéras qui restent dans des dynamiques extrêmement patriarcales etc et qui sont pas réinventées pour correspondre à nos critères actuels de ce qui est bien et pas bien. Oui. Mais du coup, justement, pour des est-ce que aujourd'hui il doit quand même bien y avoir une scène d'opéra queer ou des metteuses en scène qui ont une approche un peu plus moderne et un peu plus contemporaine de ces questions-là ? Bon, après, on sait que t'es relativement jeune, tu commences, etc. Donc, je ne veux pas non plus faire porter tout le poids du chant lyrique sur tes épaules. mais toi, en tout cas, à ta connaissance, est-ce que ça existe quand même ? Ça existe dans le sens où il y a des opéras modernes qui existent aussi et qui peuvent être vraiment super. Je vais prendre l'exemple de Solar, c'est un opéra dans lequel j'ai participé à 18 ans, mon dernier opéra en tant que personne dans les chœurs d'enfants et de jeunes de la Monnaie. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui, ça va. Parfois, il y a des espèces de petits... Okay. Je crois que ça va. Ok. Mais du coup, cet opéra-là, il avait... c'est un opéra qui est écrit par Howard Moody, qui est un compositeur contemporain, qui est d'ailleurs en train d'écrire une autre œuvre pour le moment. Et c'est une œuvre qui parle d'enjeux écologiques et de comment sensibiliser le public à ça, comment aussi montrer tous les mécanismes de... du fait que c'est nous qui payons pour les erreurs de nos parents en fait. Et du coup c'était un opéra très poignant qui du coup il faisait le parallèle entre le mythe de Dédale et Icare qui est un mythe de la mythologie grecque dans lequel Dédale et Icare sont enfermés dans un labyrinthe à cause des erreurs du père qui est Dédale et ils essayent de s'enfuir en collant des ailes avec de la cire sur leur dos et en fait Icare le fils va trop se rapprocher du soleil et la cire va fondre et il va tomber. Et du coup, voilà, donc ça, c'est un exemple d'opéra qui est super parlant parce qu'il parle de thématiques actuelles. Là, récemment, il y a aussi eu Ali à la Monnaie. Donc, c'est un opéra qui parle d'un jeune garçon immigré qui a maintenant 20 ans, donc qui a exactement mon âge. Donc, c'était très émouvant de voir parce que bah, je me disais, en fait, c'est l'histoire de... Il avait mon... Enfin, j'avais son âge au moment où se déroule l'histoire. Mmh. Et donc, c'est trop cool d'avoir des opéras comme ça qui surgissent, mais en fait c'est un peu mon strict minimum à moi dans ma jauge d'avoir des opéras qui parlent quand même de thématiques actuelles et qui dénoncent des choses. Et en fait moi en tant que public c'est ça qui va me réconforter. Enfin c'est il y a aussi quelque chose de très beau dans la musique, etc. Mais mm-hmm. quand je vois qu'on prend pas en compte les impacts sociaux que ça a, en fait ça va me mener à des frustrations. En même temps, j'enjoye la musique, mais en même temps, je suis en mode, il y a plein de trucs qui ne vont pas du tout, en fait. Mmh. Enfin, et du coup, voilà. Et est-ce que toi, tu as pu te connecter à des figures? Bah, alors moi, par exemple, je connais Klaus Nomi, qui donc était un chanteur lyrique des années 60, 70, 80, qui était très actif dans la scène... dans la scène underground new-yorkaise mmh. et qui est une des premières célébrités à être morte du sida, mmh. Mais qui, donc, du coup, avait cette voix qui était très lyrique, mais... qu'il mettait au service d'instru très synthwave comme ça, et mm-hmm. tout ça, très club. Est-ce que toi, tu as pu quand même te connecter à... Parce que souvent, alors après, je ne sais pas quel est ton parcours au niveau de ton éveil à ta queerness, etc. Mais souvent, il y a la recherche un peu de se connecter à une espèce d'histoire queer de sa discipline ou d'histoire queer de ce qui est proche de nous. Est-ce ouais. que toi, tu as pu quand même te retrouver des racines ou est-ce que tu te sens un peu esselé? Bah, en fait... J'ai essayé de me raccrocher globalement. Dans l'histoire de la musique, il n'y a pas de queerness, mais il y a beaucoup de gays. Ah oui. il y a beaucoup, beaucoup de gays. Mais de gays dans le sens non militant du terme. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment revendiqué, qui est vraiment célébré. Mais donc, c'est des chanteurs dont on sait qu'ils étaient gays. Plutôt des compositeurs. Ouais. Ah oui, c'est ça. Du style Chopin, Lully, etc. C'est tous des compositeurs. Ah oui, Chopin, il était gay. Tchaïkovski, ouais. Ah oui. Et du coup, c'est pas quelque chose qui est vraiment revendiqué dans leur musique. Ça dépend parfois dans le romantisme, etc. Il peut y avoir des sous-entendus, je crois. Mais globalement, c'est pas quelque chose qui est vraiment célébré là-dedans. Je me raccrochais beaucoup aussi au rôle travesti, au castrat justement, qui sont des figures assez emblématiques de l'opéra baroque et qui sont des figures assez androgynes. Mais c'est vrai que c'est pas exactement des identités queer. Mais c'est vrai qu'il faut absolument que je fasse plus de recherches sur effectivement les personnes qui m'ont précédée dans le monde de la queerness et qui ont apporté ce chant lyrique dans le monde de la queerness. J'avoue que ceux-là, je ne les connais pas encore, je n'ai pas encore leur nom et j'ai la rage de ça. Il faut que... Oui, et après, apprendre. Sans vouloir, parce que parfois on a tendance à... Tu sais, à faire peser sur... Mais vas-y, mais du coup, tu es queer et tu fais du chant lyrique, donc tu es une encyclopédie du chant lyrique queer. Tout à et en fait, fait, pas du tout. Tout à fait, je connais tout, tout, tout. Voilà, c'est ça. Et je ne veux pas tomber là-dedans non plus, mais très bien. Mais donc, en tout cas, a priori de ce que j'entends, il y a quand même des traces à gauche, à droite. Il y a des traces. Mais pas en tant que mouvement revendiqué ou en tant que scène appropriée. Mmh. Et après, je ne sais pas aussi si ça, tu es au courant... Ben, par exemple toutes les questions des personnes trans, parce que quand j'entends que tu me parles de voix qui te placent dans des registres, etc. Par exemple, alors c'était pas de l'opéra lyrique, mais il y a quelque temps on est allé à Londres voir la comédie musicale à Hadestown et c'était mm-hmm. une femme trans qui jouait le ouais. rôle de Hermès qui à ouais. la base est faite pour un homme ouais. Parce que du coup elle avait une voix relativement grave et ouais. elle passait vraiment très très bien dans le rôle. Ouais. Est-ce qu'il y a des ouvertures comme ça où du coup par exemple des femmes trans pourraient jouer des rôles plutôt pensés au départ pour des hommes parce qu'elles ont des voix plus graves ou à l'inverse ou pas trop? Ça peut. Il y a quelques personnes trans qui ont pu interpréter des rôles qui étaient propres à leur identité de genre. Je pense notamment, il y a un opéra que j'ai pas pu voir et qui n'est plus disponible sur YouTube et j'ai vraiment la haine pour ça. C'est un opéra sur Lily Elbe, qui est du coup la première femme trans à avoir eu des chirurgies, etc. Et du coup, il y a eu un opéra sur elle et c'était une femme trans qui a pu chanter le rôle de Lily Elbe et ça, je trouve ça super. Il y a parfois moyen, par exemple, des femmes trans qui ont des voix de contre-ténor. ça aussi, il y a moyen parfois de... Donc contre-ténor, c'est... Contre-ténor, c'est en assez... gros, c'est... Non. C'est des personnes qui ont une mue vocale masculine, mais qui vont chanter avec une voix de tête, et du coup, ça va être une voix très aiguë, et un peu, en fait, dans le même registre vocal que les mezzo et soprano, avec une mue vocale féminine. Et c'est le cas de... comment il s'appelle ? Klaus Nomi. Klaus Nomi. Ah oui. C'est qu'il chante très très aigu. C'est ça. Donc c'est ça les contre-ténors. C'est des personnes qui vont chanter vraiment avec un. Enfin, c'est une technique très particulière de placer sa voix pour avoir dans les aigus quoi. Mais dans le milieu de l'opéra est un milieu extrêmement compétitif et déjà avoir un rôle c'est énorme. Donc par exemple dans mon cas de personne trans. Je ne peux pas sélectionner, en fait. Mmh. J'ai aucun droit de choisir. Si jamais je suis déjà pris dans un opéra, lol, je n'ai vraiment pas prêt d'arriver. Mmh. Je n'ai pas ce luxe-là de pouvoir choisir, en fait, un rôle qui va dans mon identité de genre, surtout en tant que personne avec une voix soprano. Ils sont très peu, ces rôles-là d'hommes. D'ailleurs, je ne suis pas un homme non plus. Personnes non binaires à l'opéra, il y en a très très peu. Mais pour rentrer dans un truc peut-être un peu plus androgyne ou quoi, des voix d'hommes ou quoi, en soprano, c'est assez rare en soi. Et je ne peux pas concentrer ma carrière sur des rôles comme ça, sinon j'aurais un rôle tous les 3 ans. Quoi. Donc, ça, c'est un peu ce qui est embêtant pour les personnes trans à l'opéra. C'est quand même assez ancré dans le personnage. Il faut avoir telle voix pour tel personnage, un personnage dont le genre est déjà défini oui, c'est à ça. La base. Comme en fait, si je comprends bien, les personnages de femmes sont des sopranes dans les livrets, dans les écritures, dans les compositions. Exactement. Et ben du coup, si tu es soprane, tu joues des femmes. Ouais, c'est en exactement gros, c'est ça, ça. Le voilà. C'est exactement ça. Et à l'inverse, les rôles de basse, c'est des rôles d'hommes. Ouais. Et du coup, si tu as une voix de basse, tu vas jouer des hommes. C'est ça. Et donc, ça vous met vraiment dans des cases dont il est très difficile de sortir parce qu'en fait, c'est votre technique et c'est ce que vous savez faire. Exactement. Et donc, il faudrait vraiment écrire des rôles. Mais alors, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, globalement, on n'aurait pas énormément de travail, quoi. Si on doit se concentrer sur seulement ce qui est écrit pour des personnes trans, malheureusement, il n'y en a pas des masses et des masses. Y en a... Ça a existé, mais c'est vraiment des événements, quoi, pour la communauté queer chanteur d'opéra. C'est vraiment des événements, quoi. Eh ben on va réfléchir à tout ça et puis commencer peut-être à faire nos devoirs et aller voir sur Internet. Et pendant ce temps-là, on vous met le deuxième choix musical que tu nous amènes. Et donc, c'est Cecilia Bartoli qui interprète « Non so più cosa son » des Noces de Figaro de Mozart. Vous êtes sur Radio Panique, c'est toujours Freaks et Merveilles. On écoute ça et on revient juste après. Belle écoute. Thank you. Waouh! Et donc ça, c'est un des deux morceaux que tu as chanté à Curiosity. Et donc ça, c'est le morceau que tu me disais que c'est pas assez aigu pour toi. C'est ça? c'est un répertoire de mezzo léger. Donc en soi, c'est pas si éloigné. Mais c'est vrai que bon, c'est pas hyper idéal pour mon type de voix. Surtout en grandissant, ça va vraiment pas être adéquat comme rôle pour moi. Mais n'empêche, c'est un rôle qui est très joyeux et qui est assez... je pense que la communauté queer de l'opéra l'aime beaucoup parce que c'est un rôle assez iconique en vrai, d'un petit garçon qui découvre la puberté, sauf qu'en fait, on lui a pas appris ce que c'était. Et du coup, il est tombé amoureux de tout le monde. Il comprend rien à ce qui lui arrive et genre il aime trop les femmes et il est en mode oh là là toi je t'aime et toi je t'aime et il fait des déclarations d'amour à tout le monde et il est complètement perdu, il sait pas ce qui se passe et en fait c'est justement un rôle travesti donc en soi c'est un peu les fantasmes lesbiens de l'époque des hommes mais le monde cuir moderne se le réapproprie dans le sens où tous les transmasques ont envie de chanter le Cherubino. un peu cuir ont envie de chanter le Cherubino parce que bah, c'est un rôle travesti et un rôle travesti qui aime vraiment fort les femmes et qui est trop mignon parce qu'il est complètement perdu quoi. Et du coup, ouais, assez drôle. Et donc voilà, ça m'a donné beaucoup de joie de l'interpréter. J'aime beaucoup. Ah, super. Bah, en plus, c'est encore plus savoureux avec tous les sous-titres que tu nous amènes sur l'histoire du morceau et tout. C'est super. Eh bien, pour terminer, parce que l'heure tourne et malheureusement, ça se clôture déjà presque, j'avais envie de parler un petit peu de où toi, tu te vois parce que tu viens d'arriver dans le monde du drag, dans le monde des arts vivants queer, etc. Quelle image t'as de ce milieu? Comment tu te sens là maintenant que t'as fait ta première scène? Où est-ce que t'as envie d'aller ensuite? C'est très flou. Je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque. J'avoue, j'ai un peu peur de tout ce qui va être pinkwashing, etc. J'ai jamais eu beaucoup d'amis hommes cis dans ma vie et c'est pas prêt d'arriver et surtout pas dans des scènes cuir. Et du coup, j'ai un peu peur de ça, d'arriver dans un environnement avec beaucoup d'hommes. Donc ça me fait peur. J'ai vraiment envie de me mettre à la disposition de la communauté queer et aussi dans le sens du care aussi. C'est un truc qui est très important pour moi, le care de la communauté. Et du coup, ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas exactement comment apprivoiser cette scène-là. C'est beaucoup de la scène assez festive, assez sexy. Et moi, en tant que personne demi-aromantique et demi-ace, ce n'est pas quelque chose qui me parle non plus. Donc, il y a un peu toutes ces questions qui se bousculent à la fois. Et aussi le fait que je suis tout baby. Et du coup, je n'ai pas encore tous les codes. Je ne sais pas encore exactement comment il faut faire. Comment vraiment gérer des performances, comment les créer, etc. Donc il y a un peu tout ça à la fois, d'essayer de trouver des scènes qui puissent vraiment faire du sens aussi pour le personnage de Castra. Mais en même temps, on n'a pas toujours le privilège aussi de choisir, quoi. Mmh. Et du coup, voilà, il y a aussi la question administrative. Où il faut envoyer des messages, etc. Ça, c'est pas quelque chose que je gère très fort. Donc, il y a un peu tout ça à la fois. Vraiment, c'est un peu à tâtons. J'essaie de trouver des scènes douces parce que, comme le but aussi, c'est de se réparer, le but, c'est pas de faire des milliers de scènes sur lesquelles je me sente pas à l'aise, sur lesquelles je sente que je suis pas vraiment à ma place ouais, c'est pas performer pour performer quoi. C'est ça, c'est pas performer pour performer, c'est pas performer en tant que seule représentation Flinta du cast. Voilà, c'est un peu j'y vais à tâtons, une scène à la fois pour essayer de vraiment garder ces moments comme des moments de joie et des moments de réparation pour moi et après ça plus tard il y a aussi cette notion d'avoir de la thune qui va arriver. Pour le moment, je suis notion. Chez mes parents, donc c'est très confortable. Mais il va falloir aussi un moment que ça se développe un petit peu plus et voir un peu comment je peux apprivoiser cette scène-là ou d'autres. Parce que même plus largement, bon, moi je viens plutôt du milieu du théâtre où en général il n'y a pas non plus beaucoup de répertoire pour les personnes queer et non binaires, et du coup le réflexe de pas mal de personnes c'est de créer nos propres projets. Mm-hmm. Et c'est aussi beaucoup ce qu'on nous dit, hein, que voilà, il faut rendre des dossiers de bourse et tatati tatata. Mm-hmm. Parce que j'imagine qu'en termes d'opéra lyrique, c'est des grosses productions, il faut qu'il y ait une composition qui soit faite. Je ne sais pas si tu composes toi ou pas, mais c'est des compétences alors, à part. Ah, mais pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, je n'ai pas ces compétences. Donc du coup, et toi, la perspective de porter un projet ou de je ne sais pas si ça existe des collectifs de chants queer ou quoi qui pourraient... aboutir à des choses. Il y a moyen que ça existe à Bruxelles. Je me demande si j'ai pas entendu parler de chorale queer ou ce genre de choses. Ouais, des chorales queer, ça oui. Mais je sais pas s'il y a vraiment de collectif musique classique queer à Bruxelles. En tout cas, j'en ai pas entendu parler pour le moment. Et le fait de porter moi-même un projet, lol. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement cadré et cadrant, donc même pour moi-même c'est compliqué d'organiser des scènes, alors pour d'autres personnes ça risque d'être un peu compliqué, mais effectivement si les scènes n'existent pas, il faut les créer et il faut avoir l'énergie pour ça, de créer des scènes, de créer des espaces, et c'est quelque chose qui pourrait grave me plaire, mais il faut les skills pour ça, il faut la concentration, il faut l'ordre, il faut l'organisation, qui ne sont pas spécialement des mots qui riment avec castra. donc voilà, ce serait super, mais j'avoue que tout porter à la fois, je pense que j'en serais pas capable. Déjà, porter castra tout seul à la fois, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en un coup quand on fait du drag, beaucoup de skills à apprendre et beaucoup d'autonomie en fait qui doit arriver. Et donc voilà, pour le moment, c'est pas dans les projets tout de suite, mais pourquoi pas un jour, quand je m'en sentirai la force et l'énergie, ce serait super de trouver d'autres musiciens classiques queer qui veulent faire un truc. D'ailleurs, s'il y a des musiciens queer qui entendent l'appel. Ça et qui ont l'organisation et l'envie de créer des collectifs queer de musique classique, n'hésitez pas à le faire et à me contacter. Ah, voilà, de faire le travail à ma place, s'il vous plaît. Avant de te laisser aller gambader vers tes vertes contrées, oui. Tu as aussi commencé à créer des masques. Ah oui, tout à fait. Tu es donc masquelier, masquelière maintenant. Oh là là. Comment ça se fait que tu t'es lancé dans cette histoire-là et qu'est-ce que ça... Le chaos. le chaos de mon cerveau qui commence plein de choses à la fois. Et j'avais envie de faire de l'artisanat. Je ne savais pas trop dans quoi me lancer après des études de chant. Là, je compte peut-être les reprendre. Mais en fait, fin de l'année passée, je me suis dit... reconversion professionnelle, en fait, j'ai aucune idée de vers où je vais. Mmh. Et comme tu t'es dit que le masque d'art vivant, c'était un secteur porteur. C'était un secteur tout à fait adéquat et qui va me rapporter de l'argent et tout. Oui, oui, oui. Rapidement et tout. Oui, ah ouais, mais je ne suis pas quelqu'un de très stratégique dans la vie, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais du coup, oui, non. Je me suis dit, l'artisanat, ça me parle. Je suis un creative kid depuis que je suis enfant. Et l'art vivant, ça me parle. Donc, pourquoi pas combiner les deux. Et du coup, je me suis lancée dans des formations de masques de manière extrêmement random et inattendue. Voilà, là, je me forme encore. Je suis encore un petit apprenti. Mais oui, je commence à créer mes propres masques, en fait. Et en vrai, là, ça m'aide aussi dans le parcours drag. J'ai porté un de mes masques à Curiosity, donc ma première scène drag finalement. Du coup, pas besoin de maquillage pendant 2 heures. Exactement. Quand t'as passé 50 heures à faire un masque avant. Oui, c'est ça. Bon, après ça, j'avais quand même mon maquillage en dessous parce que la première perf, elle était sans masque. Mais comme ça permet aussi de montrer ce masque qui a beaucoup de puissance et qui, je pense, est très percutant visuellement pour ce chant-là, qui avait besoin d'être percutant et avec le charisme que j'ai, qui n'est pas toujours très charismatique. Le fait de porter un masque, ça permet de gagner en puissance. Voilà. Mais oui, c'est ça, justement, parce que en termes de... Parce qu'un masque, ça définit un personnage. Bon, après, moi aussi, hein, je viens du théâtre, donc j'ai fait un petit peu de masque comédia dell'arte et tout ça, où c'est vraiment trop même bien. Des archétypes de personnages. Donc, quand tu mets tel masque, tu, entre guillemets, dois faire telle chose ou avoir tel machin. Tout à fait. Mais du coup, j'imagine que construire un masque, tu dois quand même projeter dedans pas mal de choses, justement, sur qu'est-ce que tu veux qu'il advienne, quel personnage ça raconte, etc. Tout à fait, tout à fait. Ça doit être quand même assez renversant comme... C'est super renversant, surtout parfois tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de créer et puis tu le portes et tu te rends compte que c'est vraiment beaucoup plus puissant que ce que tu pensais. Mmh. Et du coup, ouais, non, c'est assez intense comme expérience et je suis encore en train de deal comment faire pour en même temps incarner mon personnage de Castra, qui est le personnage derrière le masque, mais en même temps le masque a une personnalité à lui aussi et le masque définit aussi un personnage en lui-même. Qui doit prendre toute la place en fait une fois que tu le portes et du coup comment faire pour un peu dire le fait que je suis Castra mais en même temps je suis le personnage masqué et puis tu chantes ouais. Un chant d'un personnage aussi et puis oui c'est ça mon personnage le personnage de l'opéra et encore quelqu'un d'autre enfin bref donc c'est beaucoup de personnalités à la fois et comment je fais pour dire ça je ne sais pas encore je n'ai pas encore les réponses à ces questions mais peut-être que Castra a mille et un visages et tout à fait et oui. Eh bien, écoute, on va rester bien accroché pour voir où va aller Castra ensuite. Ah là là. Avant de te laisser repartir, quelques petites questions rituelles que je pose à tout le monde. Mm-hmm. Sans le chant lyrique, là, ça va être particulièrement pertinent comme question. Sans le chant lyrique, tu serais devenu qui ? Tu serais devenu quoi ? Alors, j'ai réfléchi à la question tout à l'heure parce que je me suis dit, oh là, ça, je ne vais pas savoir improviser. Parce que toi, depuis que tu as 12 ans, tu es sur les planches d'un opéra. Depuis que j'ai 12 ans, je suis sur la scène de l'opéra qui m'a apporté énormément de douceur et de joie, etc. Mais aussi des périodes de deuil quand même assez intenses où tu te dis, tu consacres toute ta vie à un art et en fait, on vole ton rêve et tu te dis, bah, en fait... ça n'ira jamais et je pourrai jamais être sur les scènes de l'opéra ou en tout cas pas comme j'avais imaginé. Et il y a quand même tout un tas de professeurs et de professionnels du monde de classique qui sont d'accord là-dessus pour te dire ça n'ira jamais. Et du coup, c'est un peu comme un amour où tu as beaucoup donné, qui t'a donné beaucoup de joie, etc. Et en fait, il y a le deuil de cet amour-là. Enfin, j'imagine, en tant que personne demi-romantique, je ne comprends pas toujours tout, mais c'est ce que je perçois de ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a donné énormément, qui m'a énormément enrichi, qui m'a permis de faire beaucoup de rencontres, de m'ouvrir aussi à l'art d'une manière qui était complètement inattendue pour le mois de 12 ans. Et à la fois qui, ces dernières années, m'a un peu cassé, quoi. Mmh. Du coup, justement, s'il n'y avait pas eu ça. S'il n'y avait pas eu ça, ton père ne t'avait pas inscrit au... Je ne sais pas. Hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que j'aurais moins eu cet aspect de ma vie où je me suis tellement sentie connectée à quelque chose et à une pratique qui faisait que je savais que je devais être là. Je pense que j'aurais un peu plus survolé ça... j'aurais sûrement fait des études de latin ou de philosophie, je n'en sais rien, mais cet aspect-là artistique n'aurait pas pris la place qu'il a et qui m'épanouit pleinement. Et du coup, là, de manière actuelle, me détruit aussi. donc c'est un peu un amour un peu toxique, cette histoire. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus plat. Ok. Voilà. Si tu as tout le budget du monde pour faire un show, tu fais quoi ? Alors, je pense que déjà, j'apporte tous mes copains avec moi sur scène. Je vais créer un opéra avec tous les plus beaux airs et toutes des personnes cuir qui chantent ces airs. Et c'est un opéra qui va parler de nos identités et qui va les célébrer. Et tout ça avec des super airs d'opéra et des super chanteuses et des super gens qui savent chanter et qui ne savent pas chanter. Et ce sera super. Il y aura des grands chœurs de plein de personnes cuir qui seront là pour revendiquer tout ce qu'ils ont à revendiquer. Et les costumes seraient magnifiques. Ils seraient faits par Champitrouille. c'est hyper évident. Et ce sera magnifique. Et tout le monde va être extrêmement conquis par cet opéra. Waouh, j'ai hâte. Ouais. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi ? Alors, oui et non. Dans le sens où c'est mon instrument de tous les jours. Donc, je suis un peu obligée d'être à son écoute. En fait, c'est lui qui décide tout ce qui se passe dans ma pratique. Après ça, ces derniers temps, j'ai un peu l'impression de le survoler. Donc, c'est un peu contradictoire comme relation, dans le sens où, en même temps, je le conscientise à un max pour ma pratique. Et en même temps, en tant que moi-même, j'ai l'impression que les événements me traversent et que je n'ai absolument pas le temps de conscientiser tout ce qui m'arrive. Voilà. C'est un dialogue un peu étrange. Ok. Et puis, plutôt Freaks ou plutôt Merveille, Castra ? Oh là là, pourquoi choisir ? Vraiment, pourquoi choisir ? C'est pas obligé. Je trouve que les deux se mêlent très très bien, l'un à l'autre. Enfin, c'est un peu... Enfin, je sais pas. Il y a pas vraiment de merveille sans étrangeté, je trouve, sans quelque chose qui va venir te percuter dans quelque chose que tu connais pas. Mmh. Et donc, je pense que les deux à la fois, c'est vraiment le meilleur des combos. Parfait. Bah oui, si t'as un peu, je sais pas si t'as déjà écouté un peu l'émission, mmh. ou pas trop. Oui. Bah t'as. Bon, je crois que maintenant on a eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans les réponses, hein. Mais. J'adore. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup d'être passé. Mais avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Ben avec plaisir, merci d'être venu dans mon appartement, ma maison, encore un petit peu en chantier, mais oui. Et puis, eh ben, à très bientôt. Oui, je l'espère. Et oui, le meilleur pour la suite. Mais oui, mais tout à fait. Et voici qui clôture cet épisode de Freaks et Merveilles. Dans 2 semaines, un nouvel épisode, et en attendant, il y en a plein d'autres à écouter ou réécouter sur toutes vos plateformes préférées, et un samedi sur 2 sur Radio Panique. Donc le prochain, ce sera le samedi 20 décembre. Si vous souhaitez être informé des actus du cabaret queer sans passer par les réseaux sociaux, contactez-moi via mail freaksetmerveilles@protonmail.com et je vous inscrirai à la newsletter Glitter Garage. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Elle est propulsée par Murmure ASBL et diffusée un samedi sur 2 sur Radio Panique. Merci à Ilou. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène !